Seul devant ma feuille, y'a personne qui m'entoure. Aucun proche, pas de famille, mais je verse mon amour. J'ai grandi vite, c'est vrai, j'ai appris vite, c'est vrai. Étant jeune, on comprend pas, on fait pas exprès. On marche en silence, on fait semblant de pas voir. L'amour, une connerie, traîner c'est la gloire. Et puis tu prends conscience que des sentiments naissent pour famille et amis qui donnent plus qu'un business. Un regard, un sourire, un geste d'affection. Tu peux être pété de thunes ou le roi de l'effraction. Y'a pas de prix pour ça car tout ça se ressent. Vas-y fais le gros bonhomme, impossible de faire sans. L'amour, l'amitié, la notion de partage. Assumer ses sentiments mais c'est ça le courage. Ce genre de rapport c'est ce qui fait tourner la terre. Y'a un slogan qui dit faites l'amour pas la guerre. Laisse parler ton cœur pour atteindre l'ivresse. L'affection, la tendresse pour parler de bonheur. Mais y'a un peu de passion, oublie la froideur. Ainsi que l'indifférence et dis-moi qu'est-ce t'en penses. Laisse parler ton cœur pour atteindre l'ivresse. L'affection, la tendresse pour parler de bonheur. Mais y'a un peu de passion, oublie la froideur. Ainsi que l'indifférence et dis-moi qu'est-ce t'en penses. Inapte au bonheur, mon cœur s'est changé en pierre. En guerre contre moi-même et contre la terre entière. Toi et tes histoires de cœur, t'es fou. T'en verras pas le bout, j'ai le bédo et la bouteille qui m'aide à rester debout. Vider mes boules, tirer un coup de temps en temps sans les sentiments pour m'encombrer de tas d'enfants. Non, je suis bien trop perso pour la paternité. Bien trop fier pour assumer une partenaire attitrée. Du mal à dire je t'aime, à chaque fois c'est la même. J'essaie, puis jette un froid pour que l'histoire se répète. C'est dans l'intimité que je paie. Écris ces mots, expiant mes fautes à ma façon, pensant mes plaies. Par le biais de ma passion, évolue seul et à tâtons. Mes relations c'est du profit, et pour toi pauvre fille. J'ai plus de 1001 profils, ouais je suis qu'un pauvre type. Privé d'affection, le sexe a pris le pas sur tout le reste et peine à endiguer l'infection. Laisse parler ton cœur pour atteindre l'ivresse. L'affection, la tendresse pour parler de bonheur. Mais y'a un peu de passion, oublie la froideur. Ainsi que l'indifférence, et dis-moi qu'est-ce t'en penses. Laisse parler ton cœur pour atteindre l'ivresse. L'affection, la tendresse pour parler de bonheur. Mais y'a un peu de passion, oublie la froideur. Ainsi que l'indifférence, et dis-moi qu'est-ce t'en penses. Le stylo entre le pouce et l'index quand ça tourne pas rond. Alors que demain mes frères, certains de mes frères deviennent darons. J'écris la plume dans la plaie, seul dans mon salon. Je traîne une enclume de regrets en guise de galon. Pour pas être à la hauteur, ou réellement inapte au bonheur. J'ai pas dépassé ses coups au cœur qui ont comme bridé mon moteur. Alors on se perd dans le corps d'une femme, laisse parler l'instinct, vu qu'y a rien. Pas même une petite flamme et astreint là. On voit même pas qu'on perd son âme, qu'on sait plus ce qu'on devient. Mais si on se condamne, on condamne combien. Donc on reste seul, on pense plus qu'à sa gueule. Elle réclame juste un peu de confiance, comprend pas ce qu'elle veut. Pour de mauvaise vie, de mauvaise nuit, sans appui dans les tempêtes que t'essuies. Les années passent et tu te dis c'est cuit. Et quand bien même un jour, t'es déjà un peu détruit. Laisse parler ton cœur pour atteindre l'ivresse. L'affection, la tendresse pour parler de bonheur. Mais y'a un peu de passion, oublie la froideur. Ainsi que l'indifférence, et dis-moi qu'est-ce t'en penses. Laisse parler ton cœur pour atteindre l'ivresse. L'affection, la tendresse pour parler de bonheur. Mais y'a un peu de passion, oublie la froideur. Ainsi que l'indifférence, et dis-moi qu'est-ce t'en penses. On veut tous demeurer là où nous entraînent les étreintes. Et à chaque rupture, c'est au moins une âme qui s'esquinte. J'ai vu des mastodontes pleurer pliés sous le chagrin. Supplier des femmes frêles pour qu'elles leur tiennent la main. Tu peux te remémorer la jeunesse de ton idylle. Tout paraissait facile, fluide comme dans un livre. Et ivre dans cet havre d'amour, tu surmontais le chafra. Ouais, SMS pas chaque jour, tu te voyais pas la perdre. Car souvent réconcilié à chaque lâche, prenais note des termes déconseillés. Il n'a le parfum de cette rose malgré les épines. Mais est-ce les sortes même de ce que la vie nous destine. Les in si tu veux poursuivre les chemins sinueux. Car tout comme les corps, chaque cœur résonne comme il peut. Loin des clichés et des clips et toute histoire est horrible. Poésie noire et rime froide, soit ma rhétorique. Laisse parler ton cœur pour atteindre l'ivresse. L'affection, la tendresse pour parler de bonheur. Mais y'a un peu de passion, oublie la froideur. Ainsi que l'indifférence, et dis-moi qu'est-ce t'en penses. Laisse parler ton cœur pour atteindre l'ivresse. L'affection, la tendresse pour parler de bonheur. Mais y'a un peu de passion, oublie la froideur. Ainsi que l'indifférence, et dis-moi qu'est-ce t'en penses.